Naissance d'un nouveau pouvoir. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Batch. En 1495, deux ou trois canards étaient proposés chaque jour aux Parisiens. Beaucoup d'Américains, aujourd'hui célèbres, ont été autrefois vendeurs de journaux. Ainsi, Benjamin Franklin, Henry Ford... Quel nouveau modèle permettrait à la presse de vivre et qui veut encore payer pour des médias dits traditionnels alors que voici les réseaux sociaux d'imprimerie d'accélérat... de l'indépendant de Littleton, journal hebdomadaire qui a plus de 60 ans d'existence. They are the fake, fake, disgusting news. La transaction est à présent officielle entre Christophe Blocher et Tamedia. Demandez le Figaro littéraire. Chapitre 1er. Transformation successive de la presse. Si l'on a suivi avec quelque attention l'histoire de la presse périodique en Angleterre, on y aura remarqué trois phases distinctes. À leur début, les journaux ont pour unique objet de recueillir les nouvelles et de les porter à la connaissance du public. La surveillance jalouse qui pèse sur eux ne leur permet pas d'accompagner de la moindre réflexion le récit des événements. Ils ne sont qu'une spéculation fondée sur la curiosité humaine. Plus tard, au contraire, la politique qui a voulu les empêcher de naître les multiplie. Les partis voient dans les journaux un auxiliaire indispensable et les personnages les plus considérables s'imposent des sacrifices afin d'avoir à leur service un instrument dont ils ont reconnu la puissance et qu'ils destinent à défendre leur doctrine et à attaquer leurs adversaires. Et c'est là, pendant toute la durée du XVIIIe siècle, la situation de la presse en Angleterre. Enfin, à mesure qu'on se rapproche de l'époque actuelle, les journaux se soustraient peu à peu à l'étroite dépendance où les a tenus jusque-là la politique et brisent les liens qui les attachent au parti. Les feuilles qui sont créées dans cette période ne doivent plus la naissance aux combinaisons de la politique, mais aux besoins nouveaux qu'éprouvent les grands intérêts mercantiles ou industriels. Le but de leur fondateur n'est plus uniquement de mettre sous les yeux des lecteurs l'apologie constante de certains hommes ou de certaines opinions, il est encore de procurer au commerce et à quiconque en a besoin les avantages de la publicité. La presse n'est plus considérée seulement comme un instrument politique, mais comme un intermédiaire favorable et fidèle entre tous les intérêts. Les journaux ne se bornent pas à faire une place chaque jour plus considérable aux annonces. Ils n'épargnent rien pour conquérir en fait d'annonces une clientèle spéciale qui leur assure d'un côté un revenu constant et de l'autre des lecteurs assidus. C'est au dernier jour du XVIIIe siècle que nous marquerons le commencement de cette troisième période. C'est à cette date, en effet, que se place la naissance ou la transformation des journaux politiques qui existent actuellement en Angleterre et dont il nous reste à faire connaître l'histoire intérieure et l'organisation. On verra qu'aucun de ces journaux n'a été fondé sous l'influence et avec le concours d'un homme politique, que ce sont de pures spéculations privées. Nouveau chapitre, amélioration matérielle introduite dans les journaux. Tous, dès le début ou bientôt après, prennent le caractère de feuilles d'annonce qui joignent aux nouvelles du jour un commentaire politique, mais qui se préoccupent surtout de recueillir le genre de renseignements que le public recherche le plus. On peut même citer des exemples de journaux créés uniquement en vue d'une catégorie d'annonces. Ainsi, les libraires de Londres, mécontents de voir leurs annonces exclues de la première page, reléguées à la dernière et souvent retardées de plusieurs jours, fondent à la fois une feuille du matin, la British Press, et une feuille du soir, le Globe, pour faire paraître leurs annonces quand et comment il leur plairait. Ainsi encore, les restaurateurs et les taverniers de Londres, s'étant avisés qu'ils contribuent puissamment à la fortune des journaux par leurs annonces, et surtout par les exemplaires qu'ils achètent pour l'usage de leurs consommateurs, se réunissent pour fonder un journal qui aurait seule entrée dans leurs établissements et ils affectent les bénéfices de l'entreprise à l'association de secours mutuel créée entre eux. C'est le Morning Advertiser. Dès 1802, chaque journal a sa spécialité en fait d'annonce. Pour le Morning Post, ce sont les chevaux et les voitures. Pour le Public Ledger, les armements maritimes et les ventes en gros de marchandises étrangères. Le Morning Herald et le Times se partagent les adjudications d'immeubles. Quant au Morning Chronicle, il a la pratique des éditeurs. Les journaux de Londres sont par-dessus tout des boutiques à nouvelles. Le plus important, le plus prospère des journaux anglais, fait profession de n'appartenir à aucun parti et de n'avoir aucune opinion traditionnelle. Les autres représentent ou essaient de représenter chacun une nuance de l'opinion. Mais ils n'espèrent ou n'appréhendent rien du triomphe ou de la défaite du parti qu'ils soutiennent. L'objet principal de leurs efforts n'est pas de renverser du pouvoir des hommes qui le possèdent, ni d'y faire arriver le parti qu'ils défendent eux-mêmes. Ce résultat, qui pourrait flatter l'amour-propre, n'aurait aucune influence sur leur publicité. S'ils luttent entre eux et avec acharnement, c'est à qui donnera le plus tôt et le plus exactement les nouvelles intéressantes. Le journal ministériel, s'il n'est pas le mieux instruit, est assuré de n'être pas lu. Pour avoir la vogue, pour avoir le crédit, l'influence, les lecteurs, il faut se procurer des renseignements que n'auront pas les autres journaux ou devancer ses confrères dans la publication des mêmes documents. Mais par quelle série de progrès successifs l'esprit de concurrence a-t-il amené la presse anglaise à cette situation ? Nouveau chapitre, il était une fois trois hommes. Ce sont en effet trois hommes qui ont fait les journaux ce qu'ils sont aujourd'hui en Angleterre. James Perry du Chronicle, John Walter du Times et Daniel Stuart du Post et du Courrier. Remarquons en passant que deux de ces hommes étaient écossais et que beaucoup des rédacteurs qu'ils s'associèrent étaient également écossais. C'est là une preuve de plus de cette domination intellectuelle que l'Écosse a exercée sur l'Angleterre depuis la fin du XVIIIe siècle et contre laquelle Byron a protesté avec tant d'emportement. Cette domination n'a pas été moins réelle dans la presse quotidienne que dans la littérature des revues, dans la philosophie, dans le barreau et dans toutes les carrières libérales. Dans les dernières années du XVIIIe siècle et les premières de celui-ci, les deux journaux marquants sont le Times, alors tout nouveau dans les rangs de la presse, et le Herald, rédigé par Bate. Ce dernier était un ministre de l'Église anglicane, que son caractère sacerdotal n'empêchait pas d'être un auteur dramatique en vogue, qui écrivait fort bien, se battait encore mieux, et que le métier de journaliste, grâce à la faveur du prince de Galles et du parti Whig, devait conduire aux honneurs et à la fortune. Le Chronicle, fondé en 1769, gouverné jusqu'en 1789 par William Woodfall, avait la vogue pour les comptes rendus des débats parlementaires que ce journal passait pour donner d'une manière plus fidèle et plus complète qu'aucune autre feuille quotidienne. Les journaux, du reste, était en voie d'amélioration car Dudley, en prenant possession de la rédaction du Herald en 1780, avait cru devoir faire des promesses d'honnêteté qui donnent une idée de ce qu'était alors la presse anglaise. Le rédacteur en chef se flatte de montrer bientôt, dans le cours de sa difficile entreprise, qu'il n'a négligé aucune combinaison de nature à procurer au lecteur de l'agrément ou de l'instruction. Comme il a maintenant l'autorité nécessaire pour supprimer toute obscène rhapsodie et toute base invective, il a la confiance qu'aucun article de ce genre ne se détournera jamais de sa voie naturelle pour venir salir une seule des colonnes du Morning Herald. Quelles que puissent être ses préférences personnelles pour un système politique, il n'en résultera aucun préjugé qui le détermine à sacrifier jamais les lettres modérées et sensées qui lui seront adressées, pour ou contre. Comme il n'a aucun désir de dissimuler une syllabe de ce qu'il écrira, il estime qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui rien de plus que d'avouer tous ses écrits et d'en accepter la responsabilité en toute occasion. Cependant, Si jamais un réel dommage est causé à quelqu'un, soit par l'inadvertance accidentelle du rédacteur, soit par la flèche cachée d'un détracteur anonyme, il a la confiance qu'une réclamation convenable ne lui sera jamais adressée en vain. C'est à ce moment que James Perry débute dans le journalisme. C'est un Écossais, jeune, actif, d'opinion très décidée en politique, intelligent en affaires et d'un esprit inventif. Né à Aberdeen, il y a fait d'excellentes études. Le besoin de gagner sa vie le conduit d'abord à Manchester, où il passe 2 ans comme commis chez un manufacturier, puis à Londres, Perry, en quête d'un emploi, compose de petits essais en prose et en vers, qu'il jette dans la boîte du journal The General Advertiser. Un jour qu'il se présente chez un libraire, auprès duquel il est recommandé, pour savoir si on lui a trouvé une occupation, le libraire, qui lit un journal, se prend à lui dire « Que ne savez-vous écrire des articles comme celui-ci ?» Et il se trouve que c'était un article de James Perry. James Perry qui revendique la paternité de son œuvre. Le libraire est un des propriétaires du General Advertiser. Il conduit immédiatement Perry au journal et le fait admettre comme collaborateur. Perry fait un instant la fortune de ce journal lors d'un célèbre procès de l'époque. Il se charge de rendre compte des débats et il expédie tous les jours de Portsmouth de quoi remplir 7 à 8 colonnes. C'est un tour de force que personne n'a encore fait et qui vaut au General Advertiser, le journal, plusieurs milliers d'achetes tant que dure le procès. Peu après, Perry conçoit l'idée d'un nouveau recueil mensuel, le European Magazine, qu'il fonde et dont il est quelque temps le rédacteur en chef. Il quitte ce poste pour la rédaction en chef du Gazetteur, dont la direction politique et littéraire lui est entièrement abandonnée. Perry débute dans ses nouvelles fonctions par une innovation considérable. Les journaux n'envoyaient à la Chambre des communes qu'un seul sténographe, qui ne pouvait recueillir qu'un squelette décharné des débats. Quand il voulait publier une discussion où les grands orateurs avaient parlé, ils étaient contraints de prolonger cette publication pendant plusieurs jours consécutifs, et il y avait même des journaux qu'il a continué pendant plusieurs semaines après la clôture de la session. Le Chronicle fait exception. Son propriétaire et rédacteur en chef, William Woodfall, doué d'une mémoire extraordinaire et qu'on a surnommé Memory Woodfall, assistait lui-même aux séances et, à l'aide de quelques notes prises par lui, à l'aide du maigre sommaire donné par les autres journaux, il parvenait à reconstruire un débat tout entier. Le Chronicle ne paraissait que le soir, à cause du travail prodigieux imposé à un seul homme. Mais il donnait seul une vraie séance et il était fort recherché pendant toute la session. Perry va lui enlever cet avantage du premier coup. Comment fait-il ? Il envoie à la chambre plusieurs sténographes qui se relaient à tour de rôle et grâce à cette combinaison, il publie des comptes rendus plus complets que le Chronicle et il les publie dès le matin au lieu de les faire attendre jusqu'au soir. Il va ainsi ruiner le Chronicle dans le cours d'une seule session et, après l'avoir ruiné, il l'achète en 1789 avec le concours de quelques amis qu'il s'était fait et qui avaient confiance en sa capacité. Maître du Chronicle et disposant librement d'un grand journal, James Perry consomme la révolution qu'il vient d'opérer dans la presse. La curiosité du public, l'amour-propre des orateurs, les passions politiques, tout cela lui vient en aide. L'étendue et l'exactitude des comptes rendus du Parlement et de toutes les assemblées sont désormais au nombre des conditions d'existence d'un journal. Non seulement Perry attache plusieurs sténographes au Chronicle, mais pour ne pas les voir se disperser après chaque session et pour s'assurer le concours des collaborateurs expérimentés, il les engage à l'année. Par ses mesures habiles, il met son journal en réputation pour la fidélité de sa sténographie. Et pendant des années, le Chronicle fait autorité lorsqu'on veut citer les paroles d'un orateur ou y faire allusion. Et ce n'est pas la seule innovation due à James Perry. Jusqu'à lui, un journal avait été l'œuvre d'un seul homme, et habituellement de son propriétaire. Ainsi, William Woodfall avait été le propriétaire, le rédacteur en chef et le sténographe du Chronicle. Perry, homme du monde, mêlé à beaucoup d'entreprises, propriétaire et amateur d'agriculture, éditeur d'ouvrages, n'aurait pu suffire au fardeau. Il sépare la direction et la rédaction du Chronicle. Il se réserve l'administration du journal dans lequel il n'écrit plus que rarement et il en laisse la rédaction à un de ses compatriotes nommé Gray. Après Gray, la rédaction en chef est confiée pendant plusieurs années à Spankey, devenu un des jurisconsultes les plus estimés de l'Angleterre, mais qui ne répond pas à l'attente de Perry. Selon Perry, il méconnaît le caractère essentiel d'un journal, à savoir la variété. Après Spankey, le principal collaborateur de Perry est encore un Écossais, Monsieur Black, qui devient rédacteur en chef du Chronicle. Monsieur Black est un grand humaniste. Il a débuté dans les lettres par de nombreuses traductions et se délasse de ses travaux quotidiens par l'étude assidue des classiques grecs. Perry lui-même est plein d'esprit et de verve. Comme journaliste, il a le style de la conversation élégante. Et James Perry est toujours en quête des gens de talent. Parmi eux, il y a un certain Charles Dickens. Dickens a débuté au True Sun, il passe ensuite au Chronicle, dont il devient un des plus habiles sténographes, et s'élevant encore par degrés, il écrit pour ce journal sous le pseudonyme de Boz, B-O-Z. Premières esquisses qui vont faire rapidement sa réputation. Nouveau chapitre, les aléas des quotidiens. Au moment où James Perry relève le Morning Chronicle, le Morning Post, qui datait de 1772 et avait eu quelques années une grande prospérité, était tombé dans une complète décadence. Ce journal ne subsistait plus que grâce aux annonces des voitures et des chevaux à vendre, dont il avait conservé le monopole quasi exclusif. C'est alors, en 1795, qu'il est acheté pour une modique somme par un Écossais du nom de Daniel Stuart. Celui-ci appartient à une famille de journalistes. Son frère aîné, Pierre, est depuis longtemps dans la presse. C'est lui qui, lors de la nouvelle organisation des malpostes, profite des facilités nouvelles de communication ainsi créées pour fonder le Star, le premier journal quotidien du soir à Londres. Comme le poste ne vend alors que 350 exemplaires par jour, Stuart y joint la propriété d'un autre journal, l'Oracle, acheté lui aussi pour une somme très modique. Daniel Stuart s'occupe d'abord de recruter des rédacteurs de mérite et ne recule devant aucun sacrifice pour s'assurer le concours de gens de talent. Il demande à ses collaborateurs de l'application, de l'exactitude, mais il rémunère libéralement leurs services et, de temps en temps, il augmente de lui-même leurs appointements. Par son activité, son application aux affaires et l'intelligente direction qu'il donne à son journal, il ne tarde point à lui rendre son ancienne prospérité. Et avec les lecteurs, reviennent les annonces. Stuart a sur les annonces une théorie bien à lui. Il donne de préférence la première page de son journal aux courtes annonces. Et il les encourage de tout son pouvoir, d'après ce principe, que plus les pratiques sont nombreuses, plus on est indépendant de sa clientèle, et donc plus celle-ci est durable. En outre, plus les annonces sont nombreuses et variées, plus aussi est nombreux et varié le cercle des gens qu'elle intéresse et qui cherchent dans le journal les emplois vacants, les offres de services, les mises en vente ou encore les marchés à conclure. Les annonces ont leurs actions directes et leurs contre-coups. Elles attirent le lecteur et augmentent la circulation du journal, et la grande publicité appelle à son tour et retient les annonces. James Perry, lui, se règle sur un principe opposé. Il veut faire de son journal une feuille essentiellement littéraire, et il vise à lui assurer le monopole des annonces de librairie. Aussi, il accumule dans sa première page les annonces des livres nouveaux, donnant quelquefois en trois colonnes 60 ou 70 annonces d'une seule maison de librairie et recommence le lendemain avec une autre. Cette tactique profite à la fois au journal et au libraire. Les amateurs de nouveautés recherchent le Chronicle pour se tenir au courant des publications de la librairie et le public, en voyant une seule maison faire un si grand nombre d'annonces, en exagère la puissance et l'activité. Il y a à cela un inconvénient. Un inconvénient qui se fait bientôt sentir, c'est que les autres industries réclament les mêmes avantages. Mais Stuart ne se laisse jamais déborder. Il craint, en adoptant une spécialité d'annonce, de se mettre à la merci de ses propres clients. Il se refuse donc à bannir les petits avis de sa première page et à laisser envahir cette page par des annonces uniformes, par ce qu'on appelle, en termes du métier, les nuages. Et même, quand on présente à l'insertion de longues annonces destinées à remplir une colonne ou deux, il les taxe à un prix excessif afin de les éloigner sans qu'on puisse l'accuser de les avoir refusées. Infotrafic RTS. Quelle que soit votre direction, soyez prudent si vous circulez sur le contournement de Lausanne. On signale des piétons sur la chaussée entre Crissier et l'échangeur de Villers-Sainte-Croix. Stuart surveille avec le plus grand soin l'exécution matérielle de son journal. Il sait que le public est un enfant dont il faut piquer la curiosité et à qui il faut éviter jusqu'à la peine de chercher ce qui l'intéresse. Stuart ne se borne donc pas à être à l'affût des nouvelles importantes pour être mieux renseigné que les feuilles rivales ou pour les devancer. Il a pour principe qu'il n'y a point une hiérarchie invariable entre les matières du journal. Que la nouvelle du jour, l'objet des préoccupations du moment, doit toujours occuper le premier plan. Lorsque des émeutes sont causées en 1800 par la cherté des grains, le Times et le Herald se contentent de courts paragraphes composés en petits caractères et relégués dans un coin de leur feuille avec les faits insignifiants. Stuart, lui, au contraire, publie jour par jour des récits étendus et complets, rédigés par ses meilleurs collaborateurs, et il imprime ses récits à la plus belle place du journal, en gros caractères fortement interlignés avec des titres en capitale pour appeler immédiatement l'attention. Lors de la proclamation de la paix d'Amiens, de l'ascension des premiers ballons, à chaque fois qu'un grand incendie, un procès retentissant, même un combat de boxeur préoccupe le public et fait le sujet des conversations, Stuart a recours à la même industrie. C'est sa recette pour la prospérité de son journal. Une feuille éphémère, le World, a mis à la mode pendant sa courte carrière ce que les Anglais appellent « jokes », c'est-à-dire les pointes, les bons mots, les facéties. Les jokes ne doivent guère excéder 6 ou 7 lignes et doivent autant que possible avoir trait aux événements du jour. Charles Lamb a débuté dans les lettres par être l'épigrammiste en titre du Morning Post, à savoir le spécialiste en petits poèmes satiriques, à raison de 6 pence par plaisanterie. La poésie tient dans les journaux une place encore plus importante que l'épigramme. Les feuilles quotidiennes ne s'adressent encore qu'à la classe lettrée, pour qui de beaux vers ont un attrait naturel et une partie de l'espace occupé aujourd'hui par les renseignements commerciaux est alors réservée à des pièces de vers qui trouvent des lecteurs. Le Morning Post, à qui Stuart avait donné une couleur très libérale, était arrivé au plus haut degré de prospérité lorsque la cour, à qui cette feuille portait ombrage, en fit acheter sous main presque toutes les actions et obligea Stuart à se défaire de sa part de propriété. Stuart se consacre alors tout entier à son autre journal, Le Courrier, dont il fit la plus libérale et la plus répandue des feuilles du soir. Nouveau chapitre, histoire du Times. Nous arrivons maintenant au plus puissant des journaux anglais, à celui sur lequel tous les autres ont fini par se modeler. Le Times. Fondé en 1785 par l'imprimeur Walter sous le nom de Daily Universal Register. Nous sommes le 1er janvier 1788. Son journal devient alors le Times. Walter en donne les raisons dans un avertissement au public en style burlesque. Cet avertissement se termine par quelques lignes sérieuses dans lesquelles John Walter promet de ne rien négliger de ce que peut faire l'activité ou l'industrie pour donner au compte-rendu parlementaire l'étendue la plus complète, l'exactitude la plus minutieuse et la plus stricte impartialité. Ces promesses montrent quelle importance le public attache au débat du Parlement. Elles expliquent le succès que Perry a obtenu en attachant à ses journaux, notamment le Chronicle, des relais de sténographes. Victime à plusieurs reprises de sa prose satirique, Walter va se voir condamné à plusieurs reprises, subissant amendes, peines d'emprisonnement et même heures de pilori. De guerre lasse, il cède son journal à son fils, William, qui le recède lui-même peu après à son propre frère, John. Et c'est lui, John, le véritable fondateur du Times. Il prend la direction du journal en 1803. Son idée fixe est de bien établir aux yeux de tous la complète indépendance du journal. Faire de la presse l'organe, la représentation effective de l'opinion publique. La constituer comme une puissance rivale à côté du gouvernement, d'en faire, en un mot, un quatrième pouvoir dans l'État. Le quatrième pouvoir, détenu entre autres par un certain New York Times, dans l'Amérique du 21e siècle, l'Amérique de Monsieur Donald. The media didn't think we would win. The news doesn't tell the truth. Doesn't tell the truth. They have no sources. They just make them up. It's fake, phony, fake. And I want you all to know that we are fighting the fake news. They are the enemy of the people. Trump. Pour galvaniser ses troupes, Trump sait bien qu'il doit donner une cible à leur colère. Et sa cible, c'est nous. C'est un sujet très fort. C'est quelqu'un d'atypique, entouré de personnes qui sortent également de l'ordinaire. On va avoir du mal non seulement à le comprendre, mais aussi à le couvrir de manière offensive. En même temps, c'est passionnant. C'est vraiment un sujet en or. Demain, la suite de cette évocation, après une traversée de l'océan, il sera question de la naissance de la presse aux États-Unis.